Alors j'ai essayé d'être super rapide, je ne sais pas si ça va être la conclusion. Je vous remercie pour votre effort de concision qui a dû être monstrueux pour sortir ce texte, qui est très bien. Voilà. Bon, parce qu'il faut aller à la face, ce texte, il s'adresse à un candidat. Hein, parce que les autres, il y a beau avoir un X à O, on s'en fiche. Hein, c'est le candidat probable qui va être élu en mai. Espérons. Et ce candidat, c'est le candidat d'un parti qui est libéral, malgré tout. Et je me demande si on ne devrait pas tout simplement s'adresser à ces gens de façon qu'ils nous comprennent, c'est-à-dire avec les mots du libéralisme. L'excellence, c'est quoi ? C'est un cache-sexe, mais ce qui est derrière, c'est l'efficacité. On veut un système efficace. Un système libéral, il est efficace pour produire des tablettes numériques, pour produire des voitures. Et puis, il se passe bien du fait que les petits Chinois soient persécutés pour faire des tablettes numériques. Ça marche bien, c'est efficace, ça produit des tablettes numériques. L'université, elle doit produire du savoir et des étudiants bien formés. C'est le seul but de l'université. Et il me semble que les 10 points énumèrent très simplement et très efficacement, pour le coup, que ce système n'est pas efficace pour produire des gens bien formés et du savoir de bonne qualité, du savoir excellent. Je ne vais pas reprendre les 10 points, mais bon, vous pouvez les reprendre très facilement. Voilà. Voilà. Écoutez, vu l'heure, je crois qu'on va laisser en suspens votre question, mais justement, ça lui donne toute sa force et toute sa signification. Je crois qu'il nous reste à remercier nos collègues de l'HESS de nous avoir accueillis de ce séminaire qui nous a permis d'avoir ce retour réflexif sur ce que nous avons fait, de remercier tous ceux qui étaient présents aujourd'hui et qui nous ont permis donc de faire cette présentation et d'avancer par nos questions, en rappelant que cet appel tire sa force du nombre de signatures qu'il recueille. 7200, on l'a dit, ce serait magnifique qu'il arrive à 10 000 avant les élections. Juste un tout petit peu pour vous répondre. Moi, je pense pour ma part qu'il ne faut pas séparer précisément la cohérence des 10 points et qu'il ne faut pas séparer des points qui seraient plus porteurs que d'autres. Et même le statut, la bataille sur le statut est très porteuse de valeurs précisément, hein, liberté, indépendance et sérénité. En deux mots peut-être sur la FDE quand même. Sur la formation des enseignants, en deux mots, vraiment, je crois que l'alliance, si elle est présentée uniquement d'un point de vue tactique, c'est un petit peu dommage, parce qu'il y a une cohérence profonde entre les réformes qui sont appliquées dans le primaire, le secondaire et le supérieur. Et ça, il faut le montrer, c'est exactement la même logique. Et puis, par ailleurs, il y a eu une réflexion qui a été faite, effectivement, sur ce qu'impliquait la réforme de la formation des enseignants et ce qu'elle impliquait dans le quotidien, la vie et l'avenir de la nation. Et je pense que pour le supérieur, cette réflexion, elle n'est pas sortie. Et il faudrait peut-être la faire de façon plus évidente pour un grand public, en montrant en quoi le supérieur est effectivement au cœur de la société et de son avenir. Et ça, il y a des réflexions à faire et à diffuser sur les missions de l'université. Les choses ne sont pas claires. Et un des éléments de brouillage actuel, je crois, c'est la question de la professionnalisation, qui est un mot valise derrière lequel on met des tas de choses. Et je pense qu'en recommençant par définir ces termes-là, on montrerait comment l'enseignement supérieur, la recherche, ne sont pas des sortes de lieux à part qui ne concernent pas la société, mais sont vraiment au cœur de l'avenir de la société. Et ça sont des éléments qui n'ont peut-être pas été faits suffisamment et qui participeraient à la médiatisation de cette question plus que des alliances un peu opportunistes.